parcourir le Grand Est en prenant la parole avec des lettres de verre dans un lieu dédié au silence a quelque chose de paradoxal avec l'exposition proposée par la région Grand Est, passé, présent, futur, le verre dans tous ses éclats et notamment l'univers dialogue entre matière et savoir-faire de Jean-Baptiste Cybertin Blanc, l'un des deux commissaire d'exposition, le visiteur est invité à découvrir les multiples facettes du verre jusqu'au 4 janvier prochain à l'abbaye des Prémontrés à Pont-à-Mousson. L'exposition commence en rappelant que les diatomées sont les premiers créateurs de verre puisque leur corps est constitué de silice transparente pour permettre la photosynthèse nécessaire à la vie. Aussi rappeler que le verre est précieux et au début de notre ère, 1 kg d'or vaut 1000 grammes de verre. Puis, ce sont 4 chapitres qui se déroulent et dans lesquels on va découvrir cette histoire du verre. Et enfin, le dialogue qui se noue autour des lettres de verre qui sont à l'origine de cette histoire. 26 lettres de l'alphabet pour illustrer le dialogue des artisans verriers avec la matière ou le rapport du public avec les nombreuses créations exposées ici. Oui, c'est bien un dialogue auquel sont invités les visiteurs. En premier lieu, au dialogue des verriers avec la matière et puis au dialogue que l'on a de manière plus intime lorsque l'on découvre une œuvre. Le mot dialogue traverse l'installation des 26 lettres disposées comme dans un tiroir où l'on rangeait les cases. Peut-être comme pour rappeler aussi que Gutenberg inventa sans doute à Strasbourg les premiers caractères mobiles en plomb. L'exposition est chargée d'anecdotes qui se sont inventées en imaginant cette histoire. Des œuvres issues de collections d'artistes de renommée mondiale, mais aussi des créations d'artisans plus locaux installés dans le Grand Est. Cette histoire du verre est bien vivante, car c'est avec les artisans de la région que nous l'avons écrite. Nous retrouverons aussi des pièces remarquables de collaboration des grandes manufactures. J'ai souhaité donner à voir comment des artistes du monde entier se sont appropriés le verre pour jouer avec les mots. Le volet éducatif n'est pas oublié. Lorsque j'étais le directeur de la création de la cristallerie Dôme, j'utilisais souvent l'image de la pédagogie pour partager ma passion pour tel ou tel projet. Le Grand Est est riche de lieux d'échange et de formation uniques en France. Le CIAV de Meisenthal, le CERFAV à Vannes-le-Châtel, le lycée Lambroise à Sarrebourg. Ils sont avec nous dans l'exposition autour de pièces qui racontent une histoire, une image qui caractérise ces lieux, comme l'âme de la vallée dans la forêt de Meisenthal, ou l'arche du CERFAV, où toutes les pièces séjournent quelques instants. À l'issue de cette exposition, en janvier prochain, l'univers dialogue entre matière et savoir-faire poursuivra son chemin dans tout le Grand Est. Plus d'infos sur le site anneeduverre.grandest.fr, une production des radios associatives avec le soutien de la région Grand Est.